J'ai un comportement suicidaire, mais avant de partir, je n'oublierai jamais ce que j'ai à faire. Et d'abord cramer les endroits où je me suis pris un râteau. Faire disparaître un lycée, pour beaucoup, ce serait cadeau. Et je te raconte pas toutes les excuses que trouvent les filles pour pas me faire la bise. Je crois que je pue comme des putains de royalties. Hey, écoute, je vais encore parler de moi. Je m'écoute grâce à mon émoi. C'est la voix de ceux qui sont finis, qui traînent en bas des corbeaux, tu le crois? Qui crois si tu vois un éméchis à la morphe? Un sale type qui morphe. Un gars au ralenti avec sa tronche de déterré. Sa tête à avoir des dettes et à errer. Saloper ton air et même pas représentant la nouvelle ère. Appelle pas ta mère si tu veux pas te faire enterrer. Un type qui fait peur, un fou. Qu'elle a rien à faire de ses journées, un éventril. Mais il fait corcher les cœurs. Dis-toi que la boîte à rythme que t'entends là, c'est son cœur. Si tu crois un type incapable d'avoir l'énergie pour faire du peurat. Ah, qu'un mec qui a envie de retirer pas. Qu'a plus de raison de vivre ici-bas. La souffrance est fatale. Dis-toi que ce que t'entends, elle, c'est ce gars-là. C'est l'émotion. Qu'il y a dans ta tête, les réflexions. Il m'a donné l'impression de pouvoir réfléchir. Je suis fou, je mets plus que je fais ce que je fous. Tout ce que je sais, c'est que je veux partir. Il y a ce putain de refrain qui maintient au quotidien. Ce que tu sens dans tes tympans, c'est ce que je ressens vraiment. La réalité me colle au cul comme de l'eczéma ou un aimant. À l'envers pour celle avec qui je veux être amant. Le monde qui tourne autour comme un cercle ou un moucheron vicieux. Je suis content de tous ces problèmes, tout ce qui ne pas en plus fort. Même le plus vieux con des vicieux. Mais j'en ai marre d'avoir mal, je veux être faible. C'est quoi cette vie, on m'a menti. J'ai pas mes règles et je vois du sang sur mon lit. Putain, mais où est la sortie? Je sais plus ce que je dis, ce que je suis. J'ai juste que malgré la souffrance de ta dot meuf et mec, je fais que perdre, ma vie est un échec. Et je l'envie que la partie se termine, j'éclare forfait. Je pense être amoureux de vous. Mais pipe, je n'ai pas de cœur, vous devez le savoir. Si vous en avez un, oui, j'ai un cœur pour faire un abattus ou être poignardé. S'il cesse de battre, je cesserai de vivre. Mais vous voyez ce que je veux dire, je n'ai aucune douceur, aucune sympathie, pas de sentiment. Je vois au-delà de ça, Estella, je vois une petite fille qui est douce et gentille. Estella, on se casse trop nul. D'accord, Steven, j'arrive tout de suite. Qui est-ce? Lui, c'est Steven, il a 17 ans et il a une voiture. Je vois, et vous aurez des sentiments pour lui? Je devrais, c'est mon petit ami. Petit ami, qu'est-ce qui vous arrive, puis? Je n'y comprends rien, j'avais tout bien fait. J'ai arrêté d'être un roturier, j'ai même rejeté mon pauvre Joe. Ce sont des choses qui arrivent, puis il a 17 ans et il a une voiture. Je suis... J'ai ouvert.